Chapitre 358. La réprobation de quitter la mosquée entre l'azan et la prière, sauf pour une raison valable. 1785. Abu Sha'atha rapporte « Nous étions assis avec Abu Huraira radiallahu anhu dans la mosquée lorsque le muezzin fit l'appel à la prière. Un homme se leva alors et s'en alla. Abu Huraira le suivit du regard jusqu'à ce qu'il quitte la mosquée, puis il dit « Quant à cet homme, il a désobéi à Abu al-Qasim, sallallahu alayhi wa sallam. » Muslim.